Unité 7. Conversation. Écoutez. 1. Claude Legrand cherche un emploi. 2. Il a un rendez-vous. 3. Il doit se présenter au chef du personnel. 4. La secrétaire lui demande des renseignements. Répondez, répétez. 5. Que cherche Claude Legrand? 6. Claude Legrand cherche un emploi. 7. A-t-il un rendez-vous? 8. Oui, il a un rendez-vous. 9. Qu'est-ce qu'il doit faire? 10. Il doit se présenter au chef du personnel. 11. Qui lui demande des renseignements? 12. La secrétaire lui demande des renseignements. Écoutez. 13. Quel est votre nom? 14. Claude Legrand. 15. Quelle est votre date de naissance? 16. 11 mai 1955. 17. Où habitez-vous? 18. 18 rue des Pyrénées, Paris 20e. 19. Êtes-vous marié? 20. Oui, je suis marié et j'ai un enfant. 21. Quel diplôme avez-vous? 22. Le baccalauréat B et une licence de sciences économiques. 23. Quels sont vos précédents emplois? 24. Je reviens du service militaire. Je cherche mon premier emploi. Répondez, répétez. 25. Quel est votre nom? 26. Claude Legrand. 27. Quelle est votre date de naissance? 28. 11 mai 1955. 29. Où habitez-vous? 30. 18 rue des Pyrénées, Paris 20e. 31. Êtes-vous marié? 32. Oui, je suis marié et j'ai un enfant. 33. Quel diplôme avez-vous? 34. Le baccalauréat B et une licence de sciences économiques. 35. Quels sont vos emplois précédents? 36. Je reviens du service militaire. Je cherche mon premier emploi. 3. Écoutez. Les Martin et leurs deux enfants arrivent à l'hôtel. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Où sont vos bagages? Nos bagages sont dans la voiture. Vos chambres sont au premier étage, numéro 15 et 16. Un garçon accompagne les Martin à leur chambre. Ils montent leurs bagages. Répétez. 37. Les Martin et leurs deux enfants arrivent à l'hôtel. 38. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Où sont vos bagages? 39. Nos bagages sont dans la voiture. 40. Vos chambres sont au premier étage, numéro 15 et 16. 41. Un garçon accompagne les Martins à leur chambre. Quarante-deux. Ils montent leurs bagages. Répondez, répétez. Quarante-trois. Où arrivent les Martins et leurs enfants? Quarante-quatre. Les Martins et leurs enfants arrivent à l'hôtel. Quarante-cinq. Monsieur, où sont vos bagages? 46. Nos bagages sont dans la voiture. 47. Où sont nos chambres? 48. Vos chambres sont au premier étage, numéro 15 et 16. 49. Qui accompagne les Martins à leur chambre? 50. Un garçon accompagne les Martins à leur chambre. 51. Que fait aussi le garçon? 52. Ils montent leurs bagages. Écoutez. 53. Madame Martin appelle ses enfants. 54. Pierre, Jeanne, allez dans votre chambre. 55. Où est notre chambre? 56. Votre chambre est au numéro 16. 57. Voici votre valise. 58. Où sont nos sacs? 59. Vos sacs sont encore dans la voiture. 60. Où sont nos sandales? 61. Elles sont dans vos sacs. Répondez. Répétez. 62. Que fait Madame Martin? 63. Madame Martin appelle ses enfants. 64. Où est notre chambre? 65. Votre chambre est au numéro 16. 66. Où sont nos sacs? 67. Vos sacs sont encore dans la voiture. 68. Où sont nos sandales? 69. Elles sont dans vos sacs. Écoutez. Pierre, Jeanne, votre chambre est-elle confortable? Oui, notre chambre est très confortable. Est-ce que vous voulez aller à la plage maintenant? Oui, nous voulons aller tout de suite à la plage. Mais où est notre bateau? Votre bateau est encore dans le coffre de la voiture. Papa, veux-tu venir avec nous? Oui, mais je veux d'abord rentrer la voiture au garage. Et toi, maman, qu'est-ce que tu fais? Je dois aller acheter des cartes postales. Répétez. 70. Pierre, Jeanne, votre chambre est-elle confortable? 71. Oui, notre chambre est très confortable. 72. Est-ce que vous voulez aller à la plage maintenant? Soixante-treize. Oui, nous voulons aller tout de suite à la plage. Soixante-quatorze. Mais où est notre bateau? Soixante-quinze. Votre bateau est encore dans le coffre de la voiture. Soixante-seize. Papa, veux-tu venir avec nous? 77. Oui, mais je veux d'abord rentrer la voiture au garage. 78. Et toi, maman, qu'est-ce que tu fais? 79. Je dois aller acheter des cartes postales. Répondez, répétez. 80. Pierre, Jeanne, votre chambre est-elle confortable? 81. Oui, notre chambre est très confortable. 82. Est-ce que vous voulez aller à la plage tout de suite? 83. Oui, nous voulons aller tout de suite à la plage. 84. Mais où est notre bateau? 85. Votre bateau est encore dans le coffre de la voiture. 86. Papa, veux-tu venir avec nous? 87. Oui, mais je veux d'abord rentrer la voiture au garage. 88. Et toi, maman, qu'est-ce que tu fais? 89. Je dois aller acheter des cartes postales. Écoutez. 90. Jeanne, viens-tu avec moi acheter des cartes postales? 91. Non, maman, je veux aller tout de suite à la plage. 92. Alors, qui vient avec moi? Personne? 93. Non, nous allons à la plage. 94. Maman, est-ce que tu dois vraiment écrire tout de suite? 95. Oui, je dois écrire à votre grand-mère tout de suite. 96. Pourquoi? 97. Parce qu'elle s'inquiète toujours quand nous sommes en voyage. 98. Jeanne, viens-tu avec moi acheter des cartes postales? 99. Non, maman, je veux aller tout de suite à la plage. 100. Alors, qui vient avec moi? Personne? 101. Non, nous allons à la plage. 102. Maman, est-ce que tu dois vraiment écrire tout de suite? 103. Oui, je dois écrire à votre grand-mère tout de suite. 104. Pourquoi? 105. Parce qu'elle s'inquiète toujours quand nous sommes en voyage.